bientôt Alexia qui va rentrer du travail, elle voudra pas entendre. Bientôt Alexia qui va rentrer, c'est sa rentrée, alors faudra pas trop traîner. Alexia qui va rentrer, c'est sa rentrée, alors il faudra pas te bouiller. Bientôt Alex qui va, y'a bientôt Alexia. Un arpégiateur. Ok les gars, attends.